Un autre fait de société, tu vois, enfin, j'avance un petit peu parce que j'ai vu ton point de vue et un fait de société qui est assez présent et qui est très très mis en valeur par les médias, c'est les mouvements rave. Je sais pas si tu as réfléchi à ça ou si tu vois ça comme une... Je m'intéresse pas beaucoup. Bah, il faut que les jeunes s'amusent, ça c'est une tradition. C'est l'adolescence où on a pour des tas de raisons, on a besoin de communier. Chaque génération a sa manière de s'amuser. Je sais pas si Woodstock c'était très différent des rêves. Moi, ça m'emmerde le côté, la musique, tout ce qui est musique techno, ce côté, tu sais, pulsionnel, très minimaliste, me semble être une régression par rapport au public du jazz ou même d'une certaine pop musique. Il me semble qu'on va vers de plus en plus de pulsionnel, de fusionnel, toi, de régression, tu vois, fusionnello-maternante. Enfin, tu vois, ça rejoint mes idées sur le néo-féminisme et le matriarcat et ça. C'est-à-dire que quand je vois un mec sauter à pieds joints dans la boue, sur place, en écoutant une musique réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire un beat, tu vois, électronique, boum, boum, boum, etc. Je me dis, bon, c'est pas génial, mais d'un autre côté, l'adolescence a toujours correspondu à ce désir de fusion, comme ça, un peu simplette, et c'était pas tellement mieux, tu vois, le rock'n'roll, etc., c'était pas tellement mieux. Ça m'intéresse pas, parce que je suis plus très jeune, parce que... Je trouve pas ça. Moi, j'irai pas parce que je suis trop vieux. Il y a de la boue. Enfin, je trouve pas ça très gai. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que les jeunes ont d'autre pour se, comment dirais-je, vivre leur désir de fusion adolescente? Ils ont pas grand, malheureusement. Il y a pas beaucoup d'alternatives, quoi. Tu vois. Ouais, après, il y avait pas, enfin, t'as pas vu ça aussi comme un refus de la société de consommation, c'est-à-dire qu'on passe plus par le chemin conventionné pour faire la fête le samedi soir, mais qu'on se crée Oui, nous-mêmes il y a un... sans doute cette composante aussi, hors société marchande, hors médias, oui, peut-être, il n'y a pas de sponsor, c'est pas entièrement contrôlé par Endemol. Oui, il y a cette dimension-là aussi, oui. Bien sûr, c'est composite, tu vois, il y a plusieurs choses. Et ça correspond quand même à cette tendance adolescente, effectivement, qui à la fois veut fusionner, à la fois veut échapper au marché, tout en se soumettant quand même à la mode malgré elle, puisque cette musique est une musique mondialisée qui est subi d'une certaine manière. Il y a du pour et du contre, mais moi, si tu veux, en tant que type qui a cessé d'être jeune, je me rends compte que je suis plus très au contact, tout ça, et que je ne sais pas si j'avais 20 ans aujourd'hui. Je sais que quand j'avais 20 ans, je suis allé au festival du Castellet, qui est un des derniers festivals qui a existé, de pop. Je m'y suis fait chier d'ailleurs, comme je me faisais chier au concert, parce que j'aime pas quand il y a trop de monde. C'est là que j'ai découvert que j'aime pas quand il y a des gros rassemblements, tu vois. Il y a toujours un truc intrinsèquement fasciste quand des gens se retrouvent à beaucoup pour communier sur un truc. Il y a toujours quelque chose de l'ordre de la soumission, il y a que de la messe, tu vois. Et moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de points communs entre les énormes concerts pop, tu vois, où tu as 200 000 mecs qui viennent aduler un type que tu vois en tout petit, entouré de services d'ordre avec des bergers allemands. C'est pas très loin des messes de Nuremberg, etc., tu vois. Et moi, personnellement, j'aurais aimé ni l'un ni l'autre, je crois. Enfin, et je me suis fait très vite chier. Autant j'ai aimé la pop musique sur une chaîne stéréo chez moi, autant je me suis fait chier au concert parce qu'il y avait ce côté groupie, ce côté mouvement, soumission collective et ce côté horde, tu vois, qui est toujours à côté. La horde a quelque chose d'intrinsèquement fasciste, et je l'ai beaucoup constaté dans les mouvements de roller, là. Quand tu vois des milliers de mecs en roller dans Paris, pour moi, il y a quelque chose de pré-fasciste là-dedans. C'est confisquer l'espace urbain, c'est Pour une une violence. communauté ou Oui, c'est pour une une violence. C'est-à-dire, on confisque l'espace urbain et on vous emmerde et on est nombreux et on vous écrase. Et que la mairie de Paris, si tu veux, donne le droit à ces gens-là de confisquer l'espace urbain en dehors de toute loi et de toute tradition, je trouve ça profondément fasciste. Parce que tu ne peux pas accéder à la gare Montparnasse le vendredi soir, parce que c'est le lieu de rendez-vous des rollers et que tu as des milliers de mecs en roller. Moi, j'ai rien contre les gens qui font du roller, mais pourquoi faut-il être 12 000 pour faire du roller? Quand il faut être 12 000 pour s'amuser, il y a déjà quelque chose d'intrinsèquement fasciste, tu vois. Moi, Ouais, je m'amuse, tu vois, comme disait Brassens, dès qu'on est plus de 4, on a une bande de cons. Et on est vieux. T'as qu'à voir un dîner de 20, les gens se mettent à être violents, à parler fort. Tu vois toujours les inhibés qui se mettent à être agressifs, alors qu'ils n'oseraient pas s'ils sont deux. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont capables de faire des choses, même brutales, à un. Et beaucoup de mépris pour ceux qui deviennent courageux dès qu'ils sont plus de 8. Vraiment, quand tu vois, moi j'ai vu une petite vieille avec sa valise essayer de rejoindre la gare Montparnasse pour avoir son train et se choper le flot des rollers en pleine gueule et aller jusqu'à pleurer. Ça, je l'ai vu, tu vois, un vendredi soir à la gare Montparnasse. Ça s'appelle du fascisme. Et je pense que tous, et du fascisme habillé en plus de libertarisme. C'est un contresens absolu. Je pense qu'un mec qui est pour s'amuser a besoin de se retrouver à 12 000 pour faire du patin à roulettes est un connard. je suis d'accord. C'est pas un citoyen, c'est pas un bon démocrate. C'est un mec qui forcément sera toujours fasciné par les hordes. et là, ça sent derrière quoi? Le pogrom? Ça sent quoi? Ça sent les milices? Ça sent tout ça, tu vois? C'est tout. Ouais, après, il y a vraiment, véritablement un défi ou juste le goût de l'instinct grégaire, c'est... L'adaptation de l'instinct grégaire, c'est ça. Est-ce que chaque personne qui attaque une milice communautaire assume comment dirais-je, le potentiel fasciste de la totalité? Non. Et c'est ça, là, toute la lâcheté de l'individu dans le collectif, c'est que lui-même n'est pas responsable, tu vois ce que je veux dire, il endosse pas. Moi, j'endosse la responsabilité pleine et entière de tout ce que j'écris, moi, tout seul, tu vois, et j'endosse aussi le danger de me faire ratonner par une milice de 35 mecs qui viennent, ce qui se passe. Un mec qui roule anonymement en roller au milieu de 10 000 personnes et qui empêche une vingtaine de pauvres gens d'aller prendre leur train le vendredi soir à Montparnasse, il n'est pas responsable, mais il a ce petit plaisir, tu vois, de la horde, tu vois. Donc c'est un lâche. C'est un fasciste lâche, tu vois, et ça, c'est la sociologie des masses, c'est la sociologie des foules qui a très bien été faite dans les années 30. Et je mets le doigt dessus, c'est tout, hein. Après, bon, c'est pas non plus, je demande pas l'interdiction des groupes de rollers, mais je demande qu'on fasse la sociologie jusqu'au bout de la horde et du phénomène roller, qui est un phénomène de horde, tu vois, hein, qui ne se réduit pas au plaisir de rouler en patin roulette. Et donc, moi, j'avais fait une petite émission sur le thème de la démocratie, et les questions auxquelles on était amené à se poser, c'était à savoir, est-ce que la démocratie représentative est une démocratie, et est-ce que la cinquième... C'est quoi la démocratie représentative? C'est la nôtre, c'est-à-dire élire des représentants qui sont censés défendre nos intérêts et qui rendent des comptes aux citoyens. Voilà, il y a une réponse simple, c'est fonctionnel. C'est quel rapport y a-t-il aujourd'hui entre le sentiment de du peuple et la manière dont il s'exprime quand il vote dans le secret des urnes et le message des médias, enfin de leurs représentants qui sont effectivement les politiques professionnelles et les élus et puis ceux qui les accompagnent, parce qu'aujourd'hui c'est un binôme, les animateurs médiatiques, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est des animateurs politico-médiatiques. On le voit très bien sur le vote Front National par rapport aux commentaires sur le Front National, on le voit très bien sur la Constitution. Aujourd'hui, je pense que par un système de filtres très habile, la démocratie représentative est devenue fort peu démocratique. Hein, on le voit très bien. Ouais. Et après, nous, j'avais été amené à penser que c'était peut-être aussi le système de 5e République qui avait amené cette apathie politique et cette décrépitude du crédit des politiques, dans le sens où toi qui a l'air d'aimer relativement De Gaulle. Moi, j'ai l'impression que le côté monarchique du président et la tête de turc du premier ministre a discrédité toute la politique. C'est-à-dire que j'ai souvent l'impression que dans les autres pays européens, quand le chef du gouvernement fait quelque chose de mal, il sort. En France, c'est le premier ministre fait quelque chose de mal, c'est lui qui saute et on garde la même ligne politique. Parce que, je sais pas si tu fais une sociologie de la 4e et de la 3e République, De Gaulle a créé la 5e République pour sortir de la sclérose parlementariste qui était, si tu veux, la loi des partis, tout ça. Oui, enfin, qui était au niveau de, tu vois, de la non représentativité et de l'aspect de tous les chansonniers, tous les antidémocrates, tous les démocrates antiparlementaires ont bien montré, si tu veux, le côté fantoche, la plaisanterie de la démocratie parlementaire de la 3e et 4e République. Donc le gaullisme s'est fait pour essayer de sortir de ça et qu'au moins il y a un pouvoir qui s'assume, un pouvoir plein et entier, qui puisse conduire une politique pendant un certain temps, de façon un peu volontariste, etc. Donc au début, je pense que c'était plutôt pour essayer de redonner de la démocratie sans passer par une révolution. Hein. C'était ça, en fait. La 5e République, c'était pour dire... La 4e République marche pas, c'est-à-dire cette espèce de parlementarisme à la française ne marche plus, pour échapper à l'alternative qui serait la révolution bolchevique, en gros, parce que c'était les communistes en face, on va faire quelque chose qui s'appelait la 5e République. Maintenant, elle arrive au bout de sa logique, j'ai l'impression, mais de dire que ça serait la 5e République qui serait responsable de ça me paraît faux, puisque la 4e et la 3e République, c'était largement la même chose, hein, des élites illégitimes. Je sais pas, si on fait une analyse sociologique sérieuse, on voit bien que les politiques se soucient plus, si tu veux, de plaire aux puissances d'argent, et plus de plaire et de se constituer des réseaux, tu vois, et de plaire au pouvoir occulte, que de rendre des comptes à leurs électeurs. Tu vois, ils se diront, les électeurs, on s'en arrangera après, avec les médias et la désinformation, et ils s'en arrangent. Tu vois, on voit très bien que ça fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire que les politiques ne se font pas éluire en essayant de jouer le jeu de leurs électeurs. Ils essayent de se faire investir par les puissances d'argent et les réseaux, pour après aller devant leurs électeurs et avec l'aide des médias pouvoir bien les rouler dans la farine, tu vois ce que je veux dire, c'est ouais. On bien que ça fonctionne comme ça. C'est une sociologie que Bourdieu n'a pas faite, mais que n'importe quel type qui connaît un peu ce milieu-là et qui fonctionne un peu dans ce milieu-là, et je fonctionne un peu dans ce milieu-là, voit que ça marche comme ça. Hein, c'est, Et l'avenir de tout ça, c'est quoi? Puisque enfin, on aurait tendance à penser qu'on va plus vers une séduction de l'opinion et que tout laisse à penser que, par exemple, c'est Sarkozy qui va être élu en 2007. Est-ce que toi, pourquoi? Parce qu'il a tous les, parce qu'il a, il a rassemblé autour de lui tous les réseaux. Les puissances d'argent, les puissances communautaires, les médias, et tout ça est lié. Et qu'effectivement, il a asphyxié, on va dire, progressivement Chirac, qui avant était l'homme qui avait les réseaux, tu vois, qui avait empêché Barre ou Balladur de monter. Et en fait, il faut bien comprendre que Sarkozy, la pratique, la quasi-certitude que Sarkozy soit élu, si tout se passe tranquillement, comme tout continue comme aujourd'hui, c'est parce qu'il a réussi à faire un travail de concentration de réseaux et qui croise tous les réseaux, c'est tout quoi, c'est tout. Après bon, après il a compris que les Français voulaient un peu de populisme et il leur en donne, c'est-à-dire qu'il fait du Le Pen light parce qu'il a compris qu'on pouvait plus que le, c'était la, comment dirais-je, le, l'homme politique sur le modèle giscardien était arrivé à sa fin. Alors voilà, donc il risque d'être élu parce que esthétiquement il a pigé ce que les Français voulaient entendre sur le plan de la forme, tu vois, de la manière dont il fallait s'exprimer. Et Dozio, il a autour de lui tous les réseaux, c'est-à-dire qu'il a tout promis à toutes les puissances, quoi. Le problème, c'est quand t'as tout promis à tout le monde, il y a des contradictions. Il va forcément falloir soit que tu trahisses des gens, soit que tu ne fasses rien et que tu te maintiennes en équilibre, comme, et donc que tu continues dans une voie qui est la voie aujourd'hui de la catastrophe. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a un espèce de camion qui roule à 200 à l'heure et qui va droit vers un précipice et qu'il va falloir soit donner un coup de volant à gauche, soit à droite, mais très brutal, et que comme personne ne veut prendre la décision ou n'a les moyens de donner le grand coup de volant à gauche ou à droite, on continue à aller tout droit et on va vers le fossé. En gros, c'est ça l'idée, tu vois. Alors, Sarkozy risque d'être élu. Il aura un état de grâce. Là, je fais encore le prophète. Et puis, au bout de 2 ans, comme il ne pourra pas prendre de mesures brutal, parce qu'il sait que prendre des mesures brutales, c'est en France aller vers des troubles très très graves et affronter réellement des puissances, que ce soit les syndicats ou les puissances d'argent. Et donc il va penser que sur son charisme, il pourra maintenir un état de grâce qui va très très vite s'effriter, comme c'est arrivé à tous les autres avant lui. Et donc à un moment donné, la réalité apparaîtra nue dans toutes ses contradictions devant les Français et la cartouche Sarkozy aura été tirée. Et derrière Sarkozy, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus personne. Il n'y a personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Bayrou qui va être, ni la gauche, ni la droite. Le Pen va arriver à la retraite. Donc il va se libérer un espace populiste qui, paradoxalement, Le Pen, si tu veux, maintenait dans l'inaction, si tu veux, mais dans la stérilité, puisque Le Pen, c'est le lien du populisme avec la collaboration et l'extrême droite condamnable, tu vois. Donc tant que Le Pen incarne l'extrême droite, enfin le populisme, on va parler d'extrême droite, le populisme est synonyme d'extrême droite et rejeté par les Français, puisque lié à la collaboration, au colonialisme, etc. Le vrai danger, c'est l'après Le Pen. Parce que le jour où Le Pen prend sa retraite, le populisme n'est plus marqué du sceau de l'infamie. Et le populisme peut devenir, si tu veux, ce que Michéa en dit, Jean-Claude Michéa, tu sais. C'est-à-dire l'histoire du populisme qui nous renvoie plus à Jean-Jacques Rousseau qu'au maréchal Pétain, tu vois ce que je veux dire. Et là, on va vers des schémas complètement nouveaux et on sort, si tu veux, de la schématique politique qui a été mise en place en France par 1945, puis par mai 68. C'est les deux dates clés, si tu veux. Et on va sortir à la fois de 45 et de 68. C'est-à-dire qu'on va redéfinir la politique et des espaces qui étaient interdits parce que populisme égale fascisme, par exemple, ce genre d'identité vont sauter avec l'après Le Pen et avec la réalité. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on a une colère populaire qu'on refuse d'entendre en lui collant l'étiquette populisme, donc fascisme, tu vois. Il est évident que cette réduction de la colère populaire au populisme et cette réduction du populisme au fascisme est une escroquerie, mais qui permet aux élites de se maintenir et de ne rien répondre à la crise et à la colère populaire. C'est-à-dire qu'il y a une crise réelle et une colère populaire, et les deux sont la même chose. C'est-à-dire qu'il y a la souffrance du peuple et des contradictions de structure. Et les deux sont les deux aspects de la même chose. Et la réponse à ça, forcément, c'est d'aller vers, quelque part, le populisme, tu vois, mais le populisme tel que l'a compris Michéa et Jean-Jacques Rousseau. Et ça, c'est l'avenir de la politique en France. Et c'est l'après-Sarkozy. Et là, je fais de la prospective, une fois de plus. Je prends quelques risques et je dis que le populisme, et même le populisme national, a un grand avenir en France, tu vois. Or, aujourd'hui, d'ailleurs, des penseurs comme Attali, qui sont pas bêtes, disent il y a un danger de national-populisme en France. Parce que, dès lors que tu dis la mondialisation pénalise les petites gens, tu vois, et l'antipopulisme aujourd'hui, c'est finalement le mépris du travailleur et même du salarié, et ben les animateurs malins disent attention, donc c'est qu'on est vers un danger national populiste ou national populaire, et ils te mettent une fois de plus Hitler, tu vois ce que je veux dire. Or, Ce piège qui est facile à tendre, je pense que c'est le truc qui fait en ce moment que personne n'ose bouger, parce qu'on a très peur d'être traité de national-populiste. Moi, j'ai le courage de dire, effectivement, l'avenir en France est objectivement au national-populisme. Mais ce national-populisme de forme nouvelle aura beaucoup plus à voir avec ce que Miché a écrit de l'histoire du populisme américain, et donc de la démocratie américaine, ou avec ce que dit Jean-Jacques Rousseau d'une démocratie réelle par rapport à l'histoire de la démocratie libérale qui renvoie plus à Voltaire. Enfin, tu vois, le débat va pouvoir se renouveler, et on va découvrir que des gens qui se disaient de gauche ne le sont pas, et des gens qu'on pensait de droite ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on va avoir des espèces de permutations de valeurs, et ça va se passer par la force des choses, parce que c'est parce que le couvercle est mis là-dessus aujourd'hui qu'il y a une crise grave, parce qu'on ne comprend plus rien, et qu'aujourd'hui les animateurs sont à la fois des tricheurs et des menteurs. C'est-à-dire que leur rôle, en gros, c'est de disqualifier les analystes comme moi pour les jeter dans la sphère rouge-brun, parce qu'ils essayent de dire aujourd'hui que le mondialisme et l'anti-peuple, si tu veux, devient vraiment une politique d'extrême droite, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, je me fais traiter de mec de suppôt de l'extrême droite parce que je dénonce la droitisation extrême des tenants de la politique, tant les gestionnaires que les animateurs, tu vois. Et je te dis, après Sarkozy, parce que Sarkozy joue déjà là-dessus, hein, il frise, il joue un peu avec le populisme, tu vois. Mais d'esthétique seulement. Et à un moment donné, il va falloir réellement, la France va être le pays, si tu veux, à mon avis, de la remise à plat brutale. La France recèle en elle toutes les contradictions de la social-démocratie néolibérale post-CNR et post-68arde. C'est l'analyse que je fais dans mes livres, en termes de communauté, en termes de relations au capital-travail, en termes de prérogatives syndicales, en termes de structure patronale. Enfin, tu vois, on a toutes les contradictions en France et aucun moyen d'y remédier par un consensus maintenant. Donc, je pense qu'on va vers des aventures